je rentre. Une main devant, une main derrière, curieux d'être resté avec toi. Je rentre. Je rentre. Un peu marabouté peut-être, de tes grands yeux de marivette. Je rentre. Savoir ce que j'ai baisé avec toi, de tes baisers et de tes bras, de tes baisers et de tes bras. Mais moi, je rentre. Je rentre. Savoir qui nous impose tout ça, des archipels formidables. Je rentre. Je rentre. Mes beaux parents si loin de moi, tes beaux enfants juste devant toi. Je rentre. Savoir pourquoi tes mains sont presque là. Chaque jour lorsque je pense à toi, chaque jour lorsque je pense à toi, mais moi, je rentre. Je rentre. Dans la voiture un peu cracra, les yeux ouverts mais si légers. Je rentre. Je rentre.